Passive rain et la terre peut bien s'écrouler. Oh, ma femme, si tu m'aimes, ramafoudis-moi, bâtir. Donc l'amour, il nous doit même à faire. Donc mon pour frémira sous terre mer. Père ma femme, les problèmes, mon amour, puisque du jusque vous demande, je me ferai tendre blonde si tu me la demandes. J'irai dégranger la lune, j'irai border la fortune si tu me la demandes. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me la demandes. On va dire rien à moi, je ferai n'importe quoi si tu me la demandes. Si un jour la vie t'arrache à moi, si tu ne veux que tout soit hors à moi, dans ma femme, si tu m'aimes, on m'aimerait aussi. C'est nous. Pour nous les pernidaires, dans les bleus, à toutes les mancipères, dans la ciel, plus des problèmes. Mon amour, crois-tu qu'on se. Ceux qui se...